Sous un ciel de nacre, nos jardins fanent. Sur les fleurs stagnent la rosée de nos larmes, espérant récolter. On sème des graines d'idées, espérant récolter. Mais les oiseaux de l'absurde viennent tout picorer. Les politiciens, épouvantails de paille, parlent de jardin vert, mais leurs mots nous faillent. Notre terre de haine, notre terre de maison, son potager en déclin. On arrose nos peines d'une bière au goût de faim. Avec l'ironie pour guide et le mot pour voir. Un jardin d'absurdité, est-ce la règle? On cultive nos vies un jour à la fois avec l'ironie.